10. Du testament d'Achère, sur les deux faces de vice et vertu. Transcription du témoignage d'Achère, des choses qu'il dit à ses fils à la 120e année de sa vie. Il était encore en santé quand il leur dit, « Vous enfants d'Achère, écoutez votre père et je vous dirai tout ce qui est juste en regard de Dieu, concernant les deux voies que Dieu donna aux fils des hommes, les deux pensées pour deux actions, les deux places pour deux fins. Et par conséquent, toutes choses vont par deux, l'une correspondante à l'autre. Il y a deux voies par lesquelles deux pensées vont dans nos poitrines pour différencier le bien et le mal. Si l'âme prend plaisir au bien alors toutes ses actions seront droites, et penser qu'elle pêche elle se repent aussitôt, ayant placé son esprit dans la droiture et excluant la malice, elle renverse aussitôt le mal et déracine le péché. Si sa pensée est disposée au mal, toutes ses actions seront mauvaises. Elle se détourne du bien et détient le mal en elle, car Béliar la domine. Elle dénaturera en mal ce qu'elle fait de bien, et chaque fois qu'elle commence à faire bien, elle amène la fin de son action à faire mal en vue de remplir le trésor du mal par du poison de l'esprit du mal. De l'âme qui dit du bien de quelqu'un qui cause du mal, la fin de son action conduit à la tromperie. De l'homme qui n'a aucune pitié et rend le mal pour le mal, cela a deux aspects, mais le tout est mauvais. De l'homme qui aime quelqu'un qui fait le mal, qui cohabite, s'implique avec le mal et choisirait de mourir pour sa cause, même pour une mauvaise raison. En cela il y a deux aspects, mais le tout est mauvais, car bien qu'il y ait de l'amour, ce n'est que méchanceté qui cache le mal. Cela semble être bon mais la fin de l'action apporte le mal. D'un autre qui vole et agit injustement, pille et fraude mais que néanmoins il a pitié envers le pauvre. Cela a un double aspect, mais le tout est mauvais. À frauder son prochain il provoque Dieu et jure faussement contre le Très-Haut, même s'il s'apitoie sur le pauvre. Le Seigneur qui a édicté la loi le situe au néant pour provoquer et se moquer du pauvre, dont il souille l'âme et rend le corps joyeux. Il tue beaucoup et a pitié de peu. D'un autre qui commet l'adultère et la fornication mais s'abstient de viande, il fait le mal dans son jeu et pervertit certains par son pouvoir et sa richesse, même si en dehors de son excessive malfaisance, il pratique le commandement. Cela a un double aspect, mais le tout est mauvais. De tels hommes sont à moitié purs, comme le porc ou le lièvre, mais pour Dieu sont vraiment impurs, comme il est déclaré aux tablettes célestes. Par conséquent, mes enfants, ne portez pas comme une double face, bienveillante et malveillante. Inclinez seulement dans la bonté, puisque Dieu repose dans la bonté et que les hommes veulent cela. Fuyez la malveillance et détruisez le mal par des bienfaits. Les doubles faces ne servent pas Dieu, mais seulement leur propre convoitise, et ne plaisent qu'à Béliar et aux hommes comme eux. Les hommes de bien, d'entre ceux qui ont une seule face, s'inclinent seulement devant Dieu, malgré que les doubles faces les considèrent comme étant dans l'erreur. De ceux qui tuent les méchants font deux actions, une mauvaise et une bonne, mais le tout est bon, en déracinant ce qui est mauvais, ils le détruisent. D'un homme qui haït l'homme injuste, qui a miséricorde, et celui qui fait l'adultère et jeu, cela est d'un aspect double mais le tout est bon. Il suit l'exemple du Seigneur en ce qu'il n'accepte pas ce qui ressemble au bien avec ce qui est vraiment mal. D'un autre qui ne fait pas bon accueil aux débauchés, pour ne pas souiller sa bouche et polluer son âme, cela aussi est d'un aspect double mais le tout est bon. De tels hommes sont comme les cerfs et les biches en condition sauvage, qui semblent impurs alors qu'ils sont tous purs. Ceux qui marchent dans le zèle de Dieu s'abstiennent de ce que Dieu a interdit par ses lois. Ils préviennent le mal du bien. Voyez maintenant mes enfants combien ils sont deux dans toutes choses, l'un vis-à-vis de l'autre, l'un caché par l'autre. La mort succède la vie, le déshonneur la gloire, la nuit du jour et l'obscurité la lumière. Toutes choses sont mises à jour et celles qui sont justes maintiennent la vie. Pour cette raison, la vie éternelle est dans l'attente de la mort. Non qu'on puisse dire que la vérité est un mensonge, ni vrai-faux, car toute vérité est sous la lumière, comme toutes choses sont dessous Dieu. J'ai éprouvé toutes ces choses durant ma vie sans m'écarter de la vérité du Seigneur. J'ai recherché les ordres du Très-Haut en avançant de toute ma force avec un visage unique et suivant ce qui est bon. Prenez garde aux ordres du Seigneur pour suivre la vérité avec une face unique, mes enfants, car ceux qui sont double face reçoivent double sanction. Méprisez tous les esprits d'erreur qui s'acharnent sur les hommes qui gardent la loi du Seigneur, sans donner autant d'importance au mal qu'au bien, mais observez toutes choses qui sont vraiment bonnes et gardez-les avec toutes les lois du Seigneur en y adhérant comme chemin de vie pour y trouver le repos. Car les buts auxquels les hommes aspirent démontrent et reinent qu'ils sont droits et se font connaître aux anges du Seigneur et aux anges du mal, Béliard. Lorsque la mauvaise âme quitte, elle est harassée par le mauvais esprit qu'elle engageait par ses mauvais désirs et actions. Mais si quelqu'un est en paix dans la joie, il vient à connaître l'ange de paix et entre dans la vie éternelle. L'âme agitée et tourmentée d'un esprit mauvais qui sert autant sa convoitise que ses mauvaises actions. L'âme dans le calme et la joie reconnaît l'ange de la paix qui la rassure de vie. Mes enfants, ne devenez pas comme les sodomites qui ne reconnurent pas les anges du Seigneur et périrent pour toujours. Je sais que vous pécherez et que vous serez livrés aux mains de vos ennemis. La terre sera alors déserte et vous serez dispersés aux quatre coins de la terre. Vous serez réduits à néant, comme une eau inutile, par la dispersion jusqu'à ce que le Très-Haut visite la terre et vienne comme un homme. Il mangera et boira avec les hommes de paix et brisera la tête du dragon par l'eau. Il sauvera Israël et toutes les nations, Dieu parlera en la personne d'un homme. Et pour cette raison, dites ces choses à vos enfants pour qu'ils ne lui désobéissent pas. Car j'ai lu dans les tablettes célestes qu'ils lui désobéiront vraiment et agiront déloyalement contre lui en ne donnant pas d'attention à la loi de Dieu mais aux lois des hommes. Et pour cette raison vous serez dispersés comme mes frères Gad et Dan qui ne reconnurent pas leur propre terre, tribu et langue. C'est le Seigneur qui vous réunira ensemble dans la foi, par l'espérance de sa tendre pitié, pour la cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand il leur dit ces choses, il ajouta, « Enterrez-moi à Hébron. » Il tomba alors dans un sommeil paisible et mourut. Ses fils firent ensuite comme il leur dit, et ils l'emportèrent pour le placer avec ses pères.